Le docteur Thorne d'Anthony Trollope. Chapitre 1er. Les Gresham de Greshamsbury. Avant de présenter au lecteur l'humble médecin de campagne qui doit être le personnage principal de cette histoire, il est bon de lui faire connaître quelques particularités relatives au lieu où elle se passe et aux voisins parmi lesquels notre docteur exerçait sa profession. Il y a dans l'ouest de l'Angleterre un comté moins populeux, moins renommé sans doute que quelques-uns des comtés manufacturiers du Nord, mais qui n'en est pas moins cher à ceux qui le connaissent bien. Ses verts pâturages, ses blés ondoyants, ses sentiers ombragés, ses églises rustiques, construites en briques noircies par le temps, ses avenues de hêtres, ses nombreux manoirs dans le style Tudor, la chasse aux renards, à laquelle leurs propriétaires se livrent presque constamment, enfin, les liens de fraternité qui semblent unir tous ses habitants entre eux en font une véritable terre promise. Ce comté est essentiellement agricole, agricole dans ses produits comme dans ses mœurs. On y trouve, il est vrai, des villes où se tiennent des marchés et où se donnent des bals, des villes où on ne peut se procurer les chevaux de poste nécessaires au service du comté, des villes qui, en dépit des bills de réforme présents, passés et futurs, nomment des députés au Parlement, sous l'influence de quelques puissants seigneurs fonciers du voisinage. Mais ces villes-là n'ajoutent rien à l'importance du comté. Elles se composent, à l'exception de celles où se tiennent les assises, de rues à l'aspect morne et silencieux. Chacune d'elles possède 2 fontaines, 3 hôtels, 10 boutiques, 15 tavernes, 1 huissier et 1 marché. C'est à peu près toute leur statistique. La population même de ces villes compte pour peu de choses, à l'exception, comme je viens de le dire, de celles où siègent les assises et où se trouve aussi une cathédrale, et partant une aristocratie cléricale qui a bien son poids dans le pays. Un évêque résident, le doyen d'un chapitre, un archidiacre, 3 ou 4 prébendiers et leurs nombreux chapelains, vicaires et satellites ecclésiastiques composent une société suffisamment influente pour être estimé pour quelque chose par la petite noblesse. Sur tous les autres rapports, l'importance de Barsetshire dépend entièrement de la richesse territoriale. Cependant, le Barsetshire n'est plus aussi essentiellement uni qu'il l'était avant que le bill de réforme lui divisait en Barsetshire Est et en Barsetshire Ouest. On y voit percer quelques divergences d'opinion, quelques divisions d'intérêts. La première circonscription est plus conservatrice que la seconde, mais la présence dans cette localité de 2 Whigs aussi puissants que le duc d'Evry et le comte de Courcy neutralise jusqu'à un certain degré l'influence des gentilshommes de leur voisinage. Quand la division dont je viens de parler n'était encore qu'à l'état de question et qu'on pouvait lutter contre les ministres novateurs, sinon avec quelque espoir de succès, du moins avec énergie, nul ne soutint plus bravement le combat que John Newbold Gresham de Greshamsbury, député pour tout le Barsetshire. Mais le destin et le duc de Wellington lui furent contraires, et dans le parlement suivant, John Newbold Gresham ne représenta plus que la partie est du Barsetshire. Est-il vrai, comme on le prétendit alors, que la vue des collègues avec lesquels il était appelé à délibérer lui brisa le cœur? C'est ce que nous ne chercherons pas à prouver. Toujours est-il qu'il ne vécut pas pour voir la fin de la première session du Parlement réformé. M. Gresham n'était pas très âgé à l'époque de sa mort. Son fils aîné, Francis Newbold Gresham, était encore très jeune. Mais malgré sa jeunesse et plusieurs autres raisons qui auraient dû s'opposer à sa nomination, raisons que nous développerons tout à l'heure, il fut élu à la place de son père. Les services de ce dernier étaient trop récents, et ils avaient été trop appréciés pour qu'un autre choix fût possible. C'est ainsi que le jeune Frank Gresham se trouve à représenter Barsetshire Est, bien que ceux-là même qui l'avaient élu n'ignorassent pas qu'ils ne méritaient guère leur suffrage. Quoiqu'il n'eût alors que 24 ans, Frank Gresham était marié et père de famille. C'était justement son mariage qui avait éveillé la méfiance des habitants du Barsetshire Est. Son épouse n'était autre que Lady Arabella de Courcy, sœur du puissant comte Whig, qui demeurait au château de Courcy dans le Barsetshire Ouest, de ce comte qui non seulement avait voté pour le bill de réforme, mais qui avait encore employé les moyens les plus infâmes pour faire voter d'autres jeunes pairs et dont le nom, par conséquent, était en horreur aux Tories du comté. Peu content d'avoir fait un mariage aussi impolitique, Frank Gresham s'était lié intimement avec la famille de sa femme. Il se donnait toujours pour un Tory. Il faisait partie d'un club dont son père avait été un des membres les plus honorés, et au jour de la grande lutte, il avait reçu dans la mêlée une blessure à la tête en défendant les intérêts de son parti. Mais quoi qu'on lui tenu compte de cette blessure quand il s'était porté pour candidat, les vrais Tories de Barsetshire Est n'en comprenaient pas moins que l'hôte fréquent du château de Courcy ne pouvait être un Tory bien zélé. Frank Gresham prouva bientôt qu'en devenant membre du Parlement pour le Barsetshire Est, il avait ambitionné une charge au-dessus de ses forces. Un membre si tiède, si indifférent, si prompt à s'associer aux ennemis de la bonne cause, ne tarda pas à s'attirer l'animadversion de ceux-là même qui honoraient le plus la mémoire du vieux squire. À cette époque, le château de Courcy offrait de grandes séductions à un jeune homme. Lady Arabella, qui avait un an ou deux de plus que Frank Gresham, était une femme du monde et partageait les goûts et les sentiments des Whigs, comme il convenait à la fille d'un puissant comte Whig de le faire. Elle s'intéressait aux affaires de l'État, ou du moins elle croyait s'y intéresser plus que son mari. Elle avait été attachée à la cour pendant un mois ou deux avant son mariage, et avait appris à croire que la politique des ministres anglais dépendait en grande partie des intrigues des femmes. Elle eût volontiers joué un rôle, s'il avait su comment s'y prendre, et son premier essai fut de transformer son jeune mari en une espèce de mannequin Whig. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être le gendre d'un comte puissant et le représentant d'un comté au Parlement, de posséder une grande fortune et l'un des plus beaux manoirs de l'Angleterre. Frank Gresham dut trouver que la vie s'annonçait assez agréablement pour lui. Il se consola le mieux qu'il put des regards sévères des hommes de son propre parti et prit sa revanche en s'associant plus étroitement que jamais avec ses adversaires politiques. Comme un papillon insensé, il vola trop près de la lumière, et comme un papillon, il s'y brûla les ailes. Il avait été élu au commencement de 1833, et la dissolution du Parlement eut lieu dans l'automne de 1834. Les jeunes députés de 23 ou de 24 ans se préoccupent peu des dissolutions et oublient facilement les désirs de leurs commettants. Ils sont trop fiers du présent pour songer beaucoup à l'avenir. Il en fut ainsi pour M. Gresham. Son père avait été toute sa vie le représentant du Barsetshire, et comme si un siège à la Chambre des communes faisait partie de son héritage, il négligea de prendre les mesures qu'il avait assurées à son père. Nous avons dit que la dissolution du Parlement eut lieu dans l'automne de 1834, et Frank Gresham, avec son honorable épouse et tous les deux Courcy à sa suite, comprit qu'il avait offensé mortellement le comté. Il eut la mortification de voir un autre candidat proposé à sa place, et quoiqu'il combattît vaillamment et qu'il dépensa 10 000 livres sterling dans la lutte, ils ne purent gagner la position qu'il avait perdue. Un Tory appuyé par les Whigs n'est jamais populaire en Angleterre. Tout le monde se méfie de lui, quoiqu'il puisse encore y avoir des électeurs désireux de le placer dans des postes élevés. Tel était le cas de M. Gresham. Grand était le nombre de ceux qui, pour des considérations de famille, auraient désiré le conserver au Parlement. Mais personne ne le jugeait propre à remplir cette place. Il s'ensuivit donc une lutte coûteuse et acharnée. Accusé d'être Whig, Frank Gresham renia la famille de Courcy. Puis, lorsqu'après avoir été jeté par les Tories, il se vit tourné en ridicule par les Whigs, il renia les anciens amis de son père. C'est ainsi qu'une fois par terre, il ne se releva jamais. Les élections se suivirent de près dans le Barsetshire Est à cette époque. Avant d'avoir atteint l'âge de 28 ans, M. Gresham avait disputé à 3 candidats la représentation du comté et 3 fois il avait été battu. À dire vrai, son caractère lui portait à se contenter d'avoir perdu 10 000 livres sterling dans la première tentative. Mais Lady Arabella était plus vaillante à la lutte. Quoiqu'ayant épousé un homme riche et bien posé dans le monde, comme fille de comte, elle n'en avait pas moins dérogé à sa haute naissance. Elle se persuadait que son mari avait droit de faire partie de la Chambre des Lords. À défaut d'un siège dans cette noble assemblée, il était essentiel qu'il en occupât un dans la Chambre des communes. Elle aurait peu à peu fini par n'être comptée pour rien, si elle s'était contentée d'être la femme d'un simple squire de campagne. C'est ainsi qu'à l'instigation de sa femme, M. Gresham renouvela trois fois une lutte inutile et onéreuse. Il perdit son argent, Lady Arabella perdit sa bonne humeur, et il s'en fallut de beaucoup que les choses allassent aussi bien à Greshamsbury qu'elles l'avaient été du temps du vieux squire. Pendant les 12 premières années du mariage, les enfants se succédèrent rapidement à Greshamsbury. L'aîné était un fils, et dans ses jours heureux, alors que le vieux squire vivait encore, grande fut l'allégresse qu'occasionna la naissance d'un héritier. Des feux de joie brillèrent de tous côtés, on fit rôtir des bœufs entiers en l'honneur des invités, et toute la pompe qu'observent en pareille occasion les habitants de la Grande-Bretagne fut déployée avec un éclat extraordinaire. Mais quand le 10e enfant, autrement dit la 9e fille, fit son apparition dans ce monde, les démonstrations de joie furent moins vives. Puis survinrent d'autres soucis. Quelques-unes de ces 9 filles étaient très maladives. Or, Lady Arabella avait ses défauts, défauts excessivement préjudiciables au bonheur de son mari et au sien, à elle. Mais l'indifférence maternelle n'en faisait pas partie. Pendant plusieurs années, elle avait tourmenté journellement son mari parce qu'il ne faisait pas partie du Parlement. Elle l'avait tourmenté parce qu'il ne voulait pas meubler à neuf l'hôtel de Portman Square à Londres. Elle l'avait tourmenté parce qu'il refusait, chaque hiver, de recevoir à Greshamsbury Park plus de visiteurs que le château n'en pouvait contenir. Enfin, elle le tourmenta parce que Célina toussait, parce qu'Hélène était étique, parce que la pauvre Sophie était faible des reins et que Mathilde avait perdu l'appétit. L'inquiétude de Lady Arabella était bien excusable, dira-t-on. Oui, sans doute, mais sa manière d'agir ne l'était pas. L'atout de Célina ne pouvait en conscience être attribué aux meubles surannés de l'hôtel de Portman Square, et l'épine dorsale de Sophie n'aurait pu être redressée par la nomination de son père au Parlement. Cependant, à entendre Lady Arabella discuter ces sujets dans les conférences de famille, on aurait pu croire qu'elle s'attendait à de semblables résultats. Quoi qu'il en soit, ses filles bien-aimées furent transportées de Londres à Brighton, de Brighton à quelques établissements de bains en Allemagne, d'Allemagne à Torquay dans le Devonshire, et de là, pour ce qui regarde les quatre que nous venons de nommer, à cette contrée inconnue d'où nul voyageur ne revient. Le fils unique, héritier de Greshamsbury, se nommait comme son père Francis Newbold Gresham. Ceux de mes lecteurs qui ne voudraient pas pour leur héros un docteur de village célibataire et d'un âge mûr pourront lui substituer l'héritier de Greshamsbury. J'y consens. Frank Gresham avait toutes les qualités d'un héros de roman. Il ne partageait pas la mauvaise santé de ses sœurs et il avait toute la beauté de la race. De temps immémorial, les Gresham avaient été remarquablement beaux. Ils avaient les sourcils fortement marqués, les yeux bleus, les cheveux châtain clair, le menton à fossette et cette gracieuse courbe aristocratique de la lèvre supérieure qui peut exprimer également la bonne humeur ou le dédain. Le jeune Frank était un véritable Gresham. Aussi était-il l'enfant chéri de son père. Les de Courcy n'avaient jamais été laids. Il y avait trop de hauteur, trop de fierté, et nous pouvons le dire peut-être en toute sincérité, trop de noblesse dans leur allure, dans leur manière et même dans leur physionomie, pour qu'il fût possible de les trouver laids. Mais ce n'était pas une race nourrie par Vénus ou Apollon. Grands et maigres, ils avaient le front haut, les pommettes saillantes, de grands yeux au regard digne et froid. Les filles de cette famille avaient toutes de beaux cheveux, et comme elles avaient aussi des manières aisées et un certain charme de conversation, elles s'arrangeaient à passer pour des beautés jusqu'au moment où, absorbées par le mariage, personne ne se souciait plus de savoir si elles étaient belles ou non. Les demoiselles Gresham avaient été jetées dans le moule des deux Courcy et n'en étaient pas pour cela moins chères à leur mère. Les deux aînées, Augusta et Béatrice, vivaient et devaient vivre, selon toute apparence, les quatre suivantes languirent, moururent l'une après l'autre dans la même année et furent enterrées dans le joli cimetière de Torquay. Puis vinrent deux jumelles, frêles et délicates créatures, aux yeux et aux cheveux noirs, au teint pâle, aux mains maigres et destinées, aux yeux de bien des gens, à suivre de près leur sœur dans la tombe. Jusqu'ici cependant, elles ne les avaient pas suivies. Elles n'avaient pas non plus souffert comme elles, et quelques personnes attribuaient cet état de choses à un changement de médecin dans la famille. Puis vint la plus jeune des filles, celle dont la naissance, comme nous l'avons dit, ne fut pas saluée avec de grands transports de joie, car lorsqu'elle vint au monde, quatre autres sœurs au visage pâle et flétri semblaient à la veille de le quitter. Telle était la famille Gresham quand, dans l'année 1854, le fils aîné atteignit sa majorité. Il avait été élevé à Harrow et étudié encore à Cambridge, mais il va sans dire qu'il était venu dans sa famille pour célébrer un jour comme celui-là. Ce doit être une époque bien agréable pour un jeune homme appelé à recueillir un riche héritage que celle où il atteint sa majorité. Les félicitations empressées des vieillards du comté, les prévenances touchantes des mères du voisinage qui l'ont connu au berceau, de celles surtout qui ont des filles à marier, les douces paroles, les timides mais tendres regards, des jeunes filles qui, guidées plutôt par l'instinct que par la réflexion, l'appellent peut-être pour la première fois par son nom de famille, les félicitations et les insinuations plaisantes de ses camarades d'enfance, les acclamations des tenanciers, les bons souhaits des anciens fermiers qui viennent lui serrer la main de façon à la briser, les baisers qu'il reçoit des femmes des fermiers et les baisers qu'il donne aux filles des fermiers, tout cela doit contribuer à rendre assez agréable le 21e anniversaire de la naissance d'un héritier. Mais pour un jeune homme qui sent qu'à partir de cette époque il est responsable de ses actes devant la loi et qu'il n'hérite d'aucun autre privilège, le plaisir peut bien être moins vif. Le jeune Gresham était plutôt dans la première position. Cependant, il s'en fallut de beaucoup que la célébration de sa majorité ressemblât à celle que le destin avait accordée à son père. Les affaires de M. Gresham étaient alors très embarrassées, et quoique le monde ne s'en doutât pas, ou du moins ne se doutât pas jusqu'à quel point elle l'était, il n'eut pas le courage de recevoir les habitants du comté aussi libéralement qu'il l'eût fait si les choses fussent allées à souhait pour lui. Rien n'allait à souhait pour lui. Lady Arabella ne voulait pas le permettre et, grâce à elle, tout devenait vexation pour son mari. Ce n'était plus l'homme enjoué qu'on avait connu autrefois. Aussi, quand arriva l'époque de la majorité du jeune Gresham, les habitants du Barsetshire Est ne s'attendaient-ils pas à de bien grandes réjouissances. Il y en eut cependant. On était au mois de juillet. Des tables furent dressées sous les chaînes du parc pour les tenanciers, et Frank en fit le tour en donnant une poignée de main à chaque convive et en exprimant l'espoir de voir leurs relations réciproques se resserrer de jour en jour à leur mutuel avantage. Greshamsbury Park est encore aujourd'hui une des plus belles résidences de campagne d'Angleterre. Mais l'habitation de la famille était généralement connue sous le nom de Greshamsbury House et n'était pas située dans le parc même. Nous en donnerons peut-être la meilleure description en disant que le village de Greshamsbury consistait en une rue longue et irrégulière, d'un mille de longueur, et tournant brusquement au centre, de sorte que la moitié de la rue formait un angle droit avec l'autre moitié. C'est dans cet angle que s'élevait Greshamsbury House, entouré de jardins et de bosquets qui remplissaient l'espace ainsi formé. Aux deux extrémités du village se trouvait un grand portail surmonté de deux statues de sauvages armés de massues. Tel était le cimier de la famille. Une magnifique avenue de tilleuls conduisait de chaque portail à la maison. Cette demeure était bâtie dans le plus riche, nous devrions dire dans le plus pur style Tudor, si pur que bien que Greshamsbury soit moins complet que Langleat et moins magnifique que Hatfield, il peut en quelque sorte être considéré comme le plus beau spécimen d'architecture Tudor dont le comté puisse se vanter. Il s'élève au milieu d'une multitude de terrasses et de jardins soigneusement cultivés, séparés les uns des autres, ce qui, à nos yeux, à moins d'attrait que ces immenses tapis de gazon qui entourent ordinairement les maisons de campagne en Angleterre. Mais les jardins de Greshamsbury ont été célèbres depuis plus de 2 siècles, et le Gresham qui se serait avisé d'y faire le moindre changement eût été accusé de vandalisme. Greshamsbury Park, proprement dit, s'étendait au loin de l'autre côté du village. Vis-à-vis des 2 grands portails dont nous avons parlé, s'en élevaient 2 autres, également surmontés de sauvages armés de massues. L'un conduisait aux écuries, aux chenils et à la ferme, l'autre au parc peuplé de cerfs. L'avenue de Tilleuls, qui d'un côté s'étendait jusqu'au manoir, continuait de l'autre pendant 1/4 mile, et semblait n'être terminée que par une brusque élévation dans le sol. Tout cela, joint aux massives grilles de fer surmontées des armoiries de la famille, aux loges construites en pierre de taille, aux colonnes doriques tapissées de lierre et formant un vaste cirque traversé par la grande route, avait un cachet de splendeur qui témoignait assez de l'ancienne grandeur de la famille. Ceux qui examinaient de plus près les armoiries pouvaient lire au-dessous la devise des Gresham répétée en plus petits caractères sous chacun des sauvages. Gardez Gresham. Telles étaient les paroles choisies probablement autrefois par quelques héros d'armes comme une devise significative. De nos jours, malheureusement, on n'était pas d'accord sur son exacte signification. Quelques personnes déclaraient qu'elles s'adressaient aux sauvages, qu'elles sommaient ainsi de veiller sur leur patron. D'autres, au contraire, au nombre desquels je suis tenté de me ranger, assuraient avec non moins de certitude qu'elles s'adressaient à tout le monde en général, et en particulier à ceux qui se rebellaient contre l'aristocratie du comté, leur rappelant qu'ils eussent à se garder des Gresham. Cette dernière acception serait un signe de force, disait-il, l'autre un signe de faiblesse. Or, les Gresham avaient toujours été une famille puissante, et ils n'avaient jamais montré une fausse humilité. Nous ne prétendons pas décider la question. De nos jours, hélas, ces 2 interprétations étaient aussi peu applicables l'une que l'autre à la position de la famille. Il s'était opéré de tels changements en Angleterre depuis que le Gresham y avait pris rang parmi les seigneurs du comté que nul sauvage ne pouvait désormais les protéger. Ils devaient se protéger eux-mêmes comme de simples mortels. Il n'était pas non plus nécessaire qu'aucun voisin tremblât quand un Gresham fronçait le sourcil. Il eût plutôt été à désirer que M. Gresham lui-même montrât autant d'indifférence pour les regards sévères de quelqu'un de ses voisins. J'ai dit que le chenil se trouvait de l'autre côté du village, et cela m'amène à parler d'un des principaux épisodes de la vie du squire actuel. Il avait autrefois représenté son comté au Parlement, et quand il eut cessé de faire partie de cette assemblée, il conçut l'ambitieux désir d'être associé d'une manière toute particulière à la gloire du dit comté. Il voulait que M. Gresham fût quelque chose de plus dans le Barsetshire Est que M. Jackson de la Grange ou M. Baker de Mill Hill ou M. Bateson d'Annesgrove. Ces messieurs étaient tous ses amis et de respectables gentlemen de province, mais lui, M. Gresham de Greshamsbury, devait décidément être mieux que cela. Aussi, dès que l'occasion s'en présenta, se mit-il à la tête de la chasse du comté. Cette espèce de fonction lui convenait sous tous les rapports, excepté toutefois sous celui des finances. Bien qu'à son début dans le monde, il eût excité le mécontentement par son indifférence pour les principes politiques de ses ancêtres, et qu'il eût jusqu'à un certain point entretenu la malveillance en aspirant à la représentation du comté contrairement au désir des squires ses confrères, il n'en portait pas moins un nom vénéré et populaire. Ses voisins regrettaient qu'il ne ressemblât pas à son père. Ils reconnaissaient qu'il ne pouvait jouer un grand rôle parmi eux comme politique, mais ils étaient prêts à lui accorder une place éminente dans le comté, s'il en était une à laquelle il fût propre. Or, il avait la réputation d'un parfait écuyer, d'un chasseur consommé. On savait qu'il se connaissait en chien et qu'il était aussi tendre qu'une nourrice pour une portée de renard. De plus, il avait une bonne voix pour ailer les chiens. Il les connaissait tous par leur nom et pouvait donner du corps d'une manière suffisamment harmonieuse pour les exigences de la chasse. Enfin, on savait dans tout le Barsetshire qu'il était entré en possession de son patrimoine avec un revenu net de 14 000 livres sterling. Quand donc un célèbre maître d'équipage eut été conduit à sa suprême demeure un an environ après la dernière tentative parlementaire de M. Gresham, il parut agréable et raisonnable à tous d'envoyer la meute à Greshamsbury. Agréable à tous, certes, excepté à Lady Arabella. Irraisonnable à tous, peut-être, excepté au squire lui-même. À cette époque, M. Gresham était déjà très embarrassé dans ses affaires. Il avait dépensé beaucoup plus qu'il ne l'aurait dû, lui et sa femme, dans le courant de ces deux brillantes années pendant lesquelles ils avaient figuré parmi les grands de la terre. 14 000 livres sterling de revenus auraient dû suffire pour permettre à un membre du Parlement, avec une jeune femme et deux ou trois enfants, de vivre à Londres et de conserver un établissement à la campagne. Mais les deux Courcy avaient des goûts grandioses. Lady Arabella préférait vivre comme elle y avait été accoutumée et comme vivait la comtesse, sa belle-sœur. Or, le revenu annuel de Lord de Courcy se montait à beaucoup plus de 14 000 livres sterling. Puis étaient venues les trois élections et les frais énormes qu'elles occasionnèrent, puis ces coûteux expédients auxquels sont forcés de recourir les propriétaires qui dépensent beaucoup plus que leurs revenus et qui trouvent impossible de réduire leur établissement de manière à dépenser beaucoup moins. C'est ainsi que lorsque la meute du comté fut envoyée à Greshamsbury, M. Gresham était déjà un homme à peu près ruiné. Lady Arabella s'opposa de tout son pouvoir à ce nouvel arrangement. Mais quoi qu'on ne pût guère dire que Lady Arabella fût sous la férule de son mari, elle ne pouvait certainement pas se vanter de le tenir lui sous la sienne. C'est alors qu'elle fit sa première attaque à propos de l'ameublement de la maison de Portman Square et qu'elle apprit pour la première fois que ledit ameublement était une affaire de peu d'importance, attendu qu'à l'avenir elle ne serait plus appelée à aller s'établir à Londres avec sa famille pendant la session du Parlement. On devine aisément les discussions qui s'ensuivirent. Si Lady Arabella eût moins tourmenté son seigneur et maître, il est possible qu'il eût considéré avec plus de sang-froid la folie d'un pareil surcroît de dépenses. Et si, de son côté, il eût dépensé moins d'argent dans la poursuite d'un plaisir que sa femme désapprouvait, elle eût peut-être reproché moins vivement à son mari l'indifférence qu'il témoignait pour ses plaisirs à elle. Quoi qu'il en fût, la meute vint à Greshamsbury et Lady Arabella continua chaque année à aller passer quelque temps à Londres, double arrangement qui ne contribua nullement à diminuer les dépenses de la famille. Cependant, 2 ans avant l'époque où commence notre histoire, la meute avait été transférée chez un plus riche sportsman. De tous les malheurs qu'il avait éprouvés jusqu'alors, M. Gresham n'en ressentit aucun plus vivement que celui-là. Il avait été le maître de la meute pendant 10 ans et s'était au moins acquitté dignement de cette charge. La popularité qu'il avait perdue comme politique parmi ses voisins, il l'avait regagnée comme sportsman et il aurait désiré, si cela eût été possible, conserver la suprématie absolue dans tout ce qui était du ressort de la chasse. Mais il l'avait conservé plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Les chiens étaient donc partis à la grande et visible satisfaction de Lady Arabella. Il est temps de revenir au tenancier que nous avons laissé attabler sous les chaînes du parc. Oui, quand arriva l'époque de la majorité du jeune Frank, il restait encore assez de ressources au squire pour faire allumer des feux de joie et faire rôtir un bœuf tout entier dans sa peau. Pour Frank, ce jour passa moins inaperçu qu'il aurait pu l'être pour le fils du pasteur ou pour le fils du procureur du canton. On put encore insérer dans le journal de Barsetshire que grande avait été la joie à Greshamsbury à l'occasion de la majorité du jeune héritier. Mais cette nouvelle, comme tant d'autres, n'avait qu'une ombre de vérité. Le squire était à bout d'expédients pour se procurer de l'argent, et les tenanciers le savaient tous. On avait augmenté leur fermage et fait d'immenses coupes d'arbres. L'homme d'affaires de la famille s'enrichissait. Les marchands de Barchester et même ceux de Greshamsbury commençaient à murmurer. Le squire lui-même paraissait mécontent. En pareille circonstance, les tenanciers feront encore honneur à l'aile de leur maître, mais ils s'abstiendront de se réjouir. Je me rappelle bien le jour où l'on a célébré la majorité de Squire, dit le fermier Oaklerath à son voisin. Dieu, comme on s'amusa ce jour-là. Il se but plus d'ale alors qu'on en a brassé à Greshamsbury House pendant les deux dernières années. Ah, quel seigneur que le vieux Squire! Et moi, je me rappelle bien quand le Squire naquit, dit un vieux fermier assis près de là. Quelle fête! Il n'y a pas si longtemps de cela, après tout. Le Squire n'a pas encore 50 ans, tant s'en faut, quoi qu'il paraisse les avoir. Les choses ont bien changé à Grimsbury, tristement changé, voisin Oaklerath. Mais je n'ai plus longtemps à vivre. Ainsi, cela ne sert à rien d'en parler. Pourtant, après avoir payé pendant plus de 50 ans une livre 15 shillings pour quelques arpents de terre, je n'aurais jamais cru qu'on m'en demanderait 40. Telles étaient les conversations qu'on tenait aux tables des tenanciers. Certes, elles auraient été bien différentes à la naissance de Squire, puis à l'époque de sa majorité et enfin 2 ans plus tard, lorsqu'un fils lui était né. Chacun de ces événements avait été célébré par des banquets semblables, et le Squire lui-même s'était mêlé fréquemment à ses convives. La première fois, il avait paru porté par son père et suivi d'un nombreux cortège de femmes. La seconde fois, il avait pris part à tous les jeux et s'était montré le plus gai d'entre les gais. Chaque tenancier s'était frayé un passage jusqu'à la pelouse pour voir de plus près Lady Arabella, qui, ainsi qu'on le savait déjà alors, devait bientôt quitter le château de Courcy pour venir s'établir en châtelaine à Greshamsbury. Bien peu d'entre eux, maintenant, se souciaient de Lady Arabella. La troisième fois, le Squire avait porté son enfant dans ses bras, comme son père l'avait porté lui-même. Il était alors à l'apogée du bonheur, et quoique les tenanciers eussent dit tout bas qu'il était moins familier avec eux qu'autrefois, et qu'il avait pris certains airs des de Courcy, il n'en était pas moins leur seigneur, l'homme riche entre les mains duquel était leur sort. Ils étaient fiers du jeune membre du Parlement et de sa noble épouse, malgré la hauteur qu'on pouvait leur reprocher. Ce n'était plus cela aujourd'hui. M. Gresham fit encore une fois le tour des tables et adressa quelques paroles bienveillantes à ses hôtes. Ceux-ci se levèrent, s'inclinèrent respectueusement et souhaitèrent bonne santé au Squire, bonheur au jeune Franck et longue prospérité à Greshamsbury. Néanmoins, la fête manqua d'entrain. La circonstance avait aussi réuni d'autres convives d'un ordre plus élevé. Mais ni le manoir ni les habitations voisines n'étaient encombrés de visites comme jadis. La société de Greshamsbury était peu nombreuse. Elle se composait principalement de Lady de Courcy et de sa famille. Lady Arabella entretenait, autant que cela était en son pouvoir, des relations intimes avec le château de Courcy. Elle s'y rendait aussi souvent que possible, et en cela elle n'était jamais contrariée par l'opposition de son mari. Elle y emmenait ses filles toutes les fois qu'elle le pouvait, mais pour ce qui regardait les deux aînés, elle avait souvent à combattre la résistance de M. Gresham et assez fréquemment celle des jeunes filles elles-mêmes. Lady Arabella était fière de son fils. Il était l'héritier de Greshamsbury et c'était déjà beaucoup à ses yeux. Puis c'était un charmant jeune homme, au cœur franc et honnête, qu'aucune mère n'aurait pu se défendre d'aimer. Aussi Lady Arabella l'aimait-elle tendrement, quoiqu'elle éprouvât une espèce de désappointement en voyant qu'il ressemblait si peu aux de Courcy. Mais enfin, il n'en avait pas moins du sang des de Courcy dans les veines, et elle avait invité sa belle-sœur et les ladies Amelia, Rosina, etc., etc., à venir à Greshamsbury fêter la majorité du jeune héritier. Elles étaient venues. L'honorable George et l'honorable John avaient montré la même condescendance. Quant à lord de Courcy, il était de service à la cour, ou du moins prétendit-il l'être. Et lord Porlock, son fils aîné, avait répondu simplement à sa tante qu'il ne se souciait nullement d'une fête de ce genre. Il y avait aussi les Baker, les Bateson et les Jackson, qui demeuraient tous dans le voisinage et qui s'en retournèrent tous chez eux le soir. Il y avait le révérend Caleb Oriel, le recteur avec sa jolie sœur Patience Oriel. Il y avait M. Yates Humbleby, avoué et homme d'affaires de la famille. Enfin, il y avait le docteur Thorne et sa modeste et charmante nièce, Miss Mary.